Quand se dit cuando. C'est pratiquement le même mot qu'en français, mais ça s'écrit comme ça se prononce. Donc, avec un C au début, et on entend le U. C-U-A-N-D-O. Avec un accent sur le A quand on s'insère dans une question. Cuando. C'est quand. Cuando. Alors, quand devez-vous le faire? Cuando. Cuando. Cuando. Voilà, comme ça. Cuando. Cuando. Devez-vous le faire? Tiene que. Tiene que. Tiene que hacerlo. Attention, hein, il faut bien insister sur le premier « et ». Le premier « et » de « tiene ». Tiene. ¿Cuándo tiene que hacerlo? Quand devez-vous le faire? Et le verbe « dire », c'est Decir. Decir, oui. Decir ou decir. Hein. D-E-C-I-R. Hein, c'est « dire ». Donc, le dire, c'est decirlo. Decirlo. Et comment traduira-t-on vous dire, c'est-à-dire dire à vous? Decirle. Decirle, oui. Et me dire? Decirme. Decir. Decirme. Decirme. Alors, est-ce que vous pouvez me dire, ça se dira? Puede. Attention au choix de la syllabe accentuée. Ah oui, puede. Puede, c'est ça. Me dire. Decirme. C'est ça. Puede decirme. Est-ce que vous pouvez me dire? Et comment direz-vous est-ce que vous pouvez me dire l'heure? On avait vu le mot heure en même temps que maintenant. Oui, c'est vrai. Hora. C'est ça. Hora. Heure. Et maintenant, c'était Ahora. Ahora. Alors, est-ce que vous pouvez me dire l'heure? Puede decirme l'hora? La hora. Hein, l'équivalent du L apostrophe n'existe pas en espagnol. Donc, ce n'est pas l'hora, mais la hora. Puede decirme la hora? Est-ce que vous pouvez me dire l'heure? Comment direz-vous est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous ne pouvez pas le faire maintenant? Puede decirme por qué? Puede decirme por qué? Vous ne pouvez pas le faire maintenant. No puede hacer. Le faire. Hacerlo. Hacerlo, hein, le faire, oui. Maintenant. Ahora. D'accord. Puede decirme. Est-ce que vous pouvez me dire? Por qué? Pourquoi? No puede. Vous ne pouvez pas. No puede hacerlo ahora. Vous ne pouvez pas le faire maintenant. Puede decirme. Por qué no puede hacerlo ahora? Bien.